Hey, parlant de radio, je veux saluer mes amis du syndicat des profs du cégep de Sainte-Foy qui rentrent en guerre contre la radio poubelle. Il va y avoir une journée de réflexion, une campagne en 5 points, grosse offensive contre la radio poubelle. Alors, les gens qui paient des cotisations au syndicat des enseignants de cégep de Sainte-Foy, ben ça sert à ça. Hein? Rentrer en combat. Et là, ben, on parle beaucoup des propos orduriers. Je voulais avoir une entrevue avec eux, mais ça a l'air que c'est pas possible. Ouais. S'ils veulent venir, c'est quand ils veulent. Hein? Moi, je suis ouvert, là. Mais je veux défendre ça un matin, parce qu'il parle de propos orduriers. J'ai été vérifié sur le site du CRTC qui a eu le plus de plaintes ces dernières années, puis c'est Radio-Canada. Alors, j'imagine qu'il rentre en guerre... Pour des propos orduriers ouais, à ben Radio-Canada. Oui. Ben oui. Ah. Juste les bougons, là. Juste un show des bougons, là. Ouais. Ça bat toutes les shows de radio de Québec des 3 dernières années. Non, mais ça marche demain. Ils disent propos orduriers. J'ai été vérifié. Qui a eu le plus de plaintes au CRTC? C'est Radcan. Alors, moi, je veux défendre Radcan un matin. Je suis sûr que Radcan me défendrait si c'était moi. C'était moi qui est visé par ça. Moi, je suis pas une radio poubelle, mais ça n'a pas concerné pas en tout. Alors là, je vois que c'est mes collègues de Radio-Can, mais je veux les défendre. Je trouve qu'ils ont droit à ça, la liberté d'expression. J'espère que tous les radios privées vont défendre Radio-Canada devant l'attaque du syndicat des profs du cégep de Sainte-Foy. On me dit que c'est pas ça. Hein? On aurait des informations, ça a l'air, qui m'arrivent à l'instant. Non, ça a l'air qu'ils attaquent pas Radio-Canada. Ah non? Ah ben là, ça serait le fun de se jaser, là. OK, c'est pas Radio-Canada. Non, ce n'est pas Radio-Canada! Mais vous avez parlé de propos orduriers. Ouais, mais... OK, donc, la radio poubelle, c'est donc pas en lien avec les propos orduriers. Parce que c'est ça, c'est Radcan qui a plus de plaintes au CRTC. Non, c'est pas ça, c'est pas les propos orduriers. Alors c'est le fond. Le fond, est-ce que c'est les opinions? Est-ce que vous allez vous attaquer à ce que vous appelez la radio poubelle? Parce qu'on dit des opinions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est pas les opinions, ça, on respecte ça. C'est les propos orduriers. Donc, c'est Radio-Canada. Non, c'est pas Radio-Canada. Mais Radio-Canada, ils ont des propos orduriers, reconnaissez-le. Oui, mais on aime ce qu'ils disent. C'est des gauchistes, des souverainistes, des syndicalistes. On les aime. Ah, OK. Donc, même si tu tiens des propos orduriers, comme à Radio-Canada, il y a déjà eu sur les antennes, j'en prends comme exemple les plaintes au CRTC, ça dérange pas, en autant que tu dises comme toi. C'est ça! Mais trouvez-vous que ça a du bon sens, ça? Hein? Au nom de la liberté d'expression? Quelqu'un émet des opinions contraires aux tiennes, tu veux le faire fermer? Tu veux qu'il perde sa job? Tu veux le faire taire? C'est dangereux, ça. Vous m'inquiétez, et vous voulez bâtir un pays? Oui, un pays! Un pays! Quelle sorte de pays? Est-ce que dans votre beau pays, les gens qui vont penser différemment de vous vont pouvoir s'exprimer? Oui! Mais pourquoi vous voulez me faire fermer la gueule à moi? Parce que je dis des choses que vous aimez pas? Non, c'est les propos orduriers! Non! Les propos orduriers sont plus à Radio-Canada que chez nous. Donc, c'est pas sur la forme. Vous vous en prenez sur le fond. Vous aimez pas mes opinions. Et vous aimez celles qui étaient mises à Radio-Canada par Guillaume Lepage, par Anne-Marie Dussault, par toute la gang, là, à Montréal, nommez-les tout un par un, à Québec, c'est toutes des souverainistes. Toutes des gauchistes. Et ils sont toutes syndicalistes, évidemment, c'est syndiqué mur à mur. C'est dangereux, ça. Ça me fait pas peur, moi, ça me fait extrêmement peur. C'est une des raisons, on a d'autres, pour lesquelles je voterai non. Confiez jamais un pays. Vous savez, tu mélanges tout, là, mais je vois pas d'autre chose. J'essaie de comprendre. Pourquoi ces gens-là s'en prennent à ce qu'ils appellent la radio poubelle? Qu'est-ce que la radio poubelle? Nature va me le dire un moment donné. Là, oubliez pas, là, si vous m'appelez en disant « Une radio poubelle, c'est les propos orduriers! » On n'en a pas. N'est pas de plainte au CRTC, moi, zéro. N'est pas de condamnation, zéro. N'est pas. Mais je sais que je suis visé sur le web, je le vois, on me présente comme une radio poubelle. Mais j'en ai pas. Il y a plus de plaintes à Radcan. Alors, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est parce que je dis pas comme vous. Et moi, j'ai peur. Des gens qui veulent faire fermer ceux qui disent pas comme « Ah, on n'aime pas ça ». Alors, l'invitation est lancée aux gens du cégep de Sainte-Foy. Syndicat, et vous mobilisez vos troupes, journée de réflexion, campagne de promotion. Il y a plusieurs points, là, on va leur laisser ça, mais c'est gros, là. Venez m'expliquer qu'est-ce que vous aimez pas. Donnez-moi des exemples, là. Go, c'est quoi? Venez pas me dire que c'est l'affaire que vous avez placardée partout sur ces murs de la ville de Québec, là. Ça, c'est pas eux, là, mais d'autres, là. Parce que j'ai dit qu'une femme à 160 km/h est pas l'égale de l'homme, parce que je pourrais faire le débat avec vous autres n'importe quand. Ne vous ainsi, là. De toute façon, on va le faire. Le débat, on va prendre un char, on va prendre une femme, on va faire chauffer à 180 km/h, puis on va prendre un gars, puis on va faire une course, ça s'est déjà fait, là. Puis on sait qui gagne. C'est juste ça que j'ai voulu dire. Pas un drame, ça, arrêtez. Mais non, tu fermes pas une station de radio pour ça. Êtes-vous malade? Alors moi, j'en ai un petit peu marre de radio poubelle. J'aimerais ça que quelqu'un me dise qu'est-ce que c'est. Pour moi, là, la façon dont je le vois, une radio poubelle, c'est une radio qui pense pas comme toi. Et là, ça devient dangereux si c'est ça. Si la radio poubelle, c'est une radio qui émet des opinions contraires à une petite clique de gauchistes syndicalistes, ça commence à être dangereux ce que vous voulez faire, là. Ah, mais non! Si c'est pas ça, et vous respectez les opinions, que ce soit noir, blanc, gauche, droite, puis que c'est la forme, ben souvent ils vont dire ça, non, c'est pas l'opinion, c'est la forme! Ben, fermez Radcam! Parce que c'est eux qui en ont le plus de condamnations au CRTC, puis de plaintes. Faut aller voir. Les archives sont disponibles. 8h39. Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle au FM 93.